Je descends dans le fond, je te rejoindrai peut-être demain. Je te rejoindrai peut-être demain. Si tu retoucherais ton malheur, j'essaierai un bout ton bonheur. Pour l'honneur, et les drapeaux dans l'air, pourrait montrer les saveurs de la rumeur de la rue. Comment on fait, mais comment fais-tu pour ne pas avoir mal, pour ne pas avoir mal, avoir toujours l'esprit ailleurs. Quand je perds, ce terrain, est-ce que l'on se comprend pour le moment. Descendre encore plus bas, mais pour faire voir les losers quand ils ont la conscience pauvre, c'est pour que l'on s'identifie. Laisse-les aller comme des vautours, laisse-les passer allumer ton amour. Tu as perdu le sens des tours, tu fuis toujours, elle t'a suivi, allongé sur le lit, des mots doux dans la bouche, le vent se fait rude, la direction de la chance, aux alentours, fuis, et la bonté plus loin que les champs, voient d'autres terres avancer. J'ai couru plus vite, pensant te rattraper.